Section 116 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 6e, section 116, Les Amours de Gilles, livre 3e, Gilles, par Louis Morin. Chapitre 7. Le Gilles de la comédie fiabesque. Fin de la lune de miel. Octobre arriva. Gilles et Paquette revinrent à Venise, enrichis par leur tournée, et reprirent possession du logement de la Riva Carbone. La vieille Pulci avait pendant leur absence réalisé son rêve de devenir une honnête bourgeoise. Elle courait à la messe chaque matin, faisait ses emplettes de cuisine sur les marches du Rialto et, son souper terminé, s'installait à sa fenêtre sur le canal jusqu'au soir pour s'enquérir des passants, épier les allées et venues et médire des gens, confortablement assise entre ses pots de fleurs et ses oiseaux. La troupe Cornelio se trouvait réunie de nouveau. Chacun avait fait quelques profits, rapportait une bourse bien garnie. Maître Cornelio annonça que Paquette reprendrait ses rôles d'Isabelle. Il avait engagé une jeune personne de mœurs un peu légères, une célébrité de la galanterie vénitienne qui s'était éprise de théâtre et qui lui paraissait très bien douée pour jouer Colombine, la Colombine de la tradition, rusée et forte en gueule. Elle n'avait encore joué que sur des théâtres de société, mais elle était si vive et si intelligente. Elle avait la parole si facile que Cornelio ne doutait point d'en faire en peu de temps un sujet de mérite. Et ce qui tentait fort l'économe directeur, c'est qu'elle ne demandait pas d'appointement. Elle voulait jouer pour s'amuser, et un peu à cause de la considération que le monde galant a pour les comédiennes. Elle était fort riche et possédait un palais qu'elle devait à la munificence de l'un de ses amants. Pour Gilles, il conservait sa place. La première, celle de l'acteur aimé de la foule. À la fin du mois, le théâtre fit sa réouverture et l'on put prévoir que la saison serait bonne. Gilles, dès la première soirée, fut salué comme un ancien ami et couvert de bravos enthousiastes. La nouvelle Colombine fut très bien accueillie. Quant au docteur et à Pulcinelle, ils étaient les mêmes, un peu vieillis seulement, par 6 mois de beuverie constante, la plus grande partie de leur gain d'été ayant passé dans l'escarcelle des cabaretières. Cornelio n'était pas resté inactif pendant les vacances. Il avait préparé quelques pièces que le public, mis en goût par les ouvrages de Gozzi, accueillit avec la plus grande faveur. C'étaient des comédies fabuleuses, fiabesques, dont l'action se passait dans un pays indéterminé, quelque part du côté de la Chine ou de la Mongolie, dans ces contrées d'Orient d'où les marins de Venise rapportaient d'étranges objets d'art et dont ils racontaient au badaud du môle, au pantalon désœuvré, les mœurs plus étranges encore, curieuses et terribles. En effet, quel attrait devait avoir pour ce peuple de Venise, si tourné à la fantaisie, le monde baroque qu'il se figurait d'après les magots des potiches, d'après les fantastiques broderies des satins et des soieries. Là, il pouvait y avoir, et l'esprit ne s'en étonnait point, des fées, des génies, des gnomes, des oiseaux bleus, des arbres qui parlent, de l'eau qui chante. Et comme c'était amusant de voir les personnifications de la vie vénitienne, Pantalon, Brighella, Truffaldine, Tardaglia, venir étaler lourdement, au milieu des plus capricieuses folies de ce monde surnaturel, les ridicules familiers aux habitués de la piazzetta. Il y avait toujours en scène un Pantalon ou un Truffaldine, devenu ministre ou secrétaire de l'empereur de la Chine, et qui donnait, par la gravité avec laquelle il remplissait ses fonctions, la note drôlatique du bourgeois gentilhomme devenu grand Mamamouchi. Cornelio introduisit le personnage de Gilles dans la bande des navigateurs fortunés que les rois de la comédie fiabesque faisaient asseoir à la droite de leur trône. Il y apporta sa gloriole naïve, ses amusantes terreurs, les tremblements fort naturels chez un pauvre ministre arrivé en droite ligne de la Zoueka pour se voir assis en grand honneur dans un cercle de têtes coupées et régalé par le spectacle de l'empalement du ministre qui l'a précédé. À la grande joie du spectateur, Gilles gardait toujours, au milieu de ces honneurs terribles, le malin bon sens du Bertoldo, la verve de Pedrolino, qui, poursuivi par 100 uniques armées de cimetières, leur décoche dans sa fuite éperdue, des Lazzi à mourir de rire. Janvier arriva, et le jour de l'Épiphanie, au son des cloches de vêpres, le carnaval reprit possession de la ville. Gilles et Paquette coiffèrent le tabarreau et la bahute et, comme de petits masques bien sages, se mirent à la queue de la foule pour la promenade circulaire des galeries Saint-Marc. Ah, comme ce carnaval-là était différent pour Gilles de celui de l'année précédente. Il se demandait ce qu'il faisait là, si bien caché, un mari très fidèle qui n'a rien à attendre de l'intrigue passante. Est-il raisonnable de s'appliquer sur le nez le petit masque de toile cirée ? Gilles se fit cette réflexion philosophique et bien digne d'un homme établi, que ses concitoyens devaient être des gens bien vicieux pour avoir besoin d'être pendant si longtemps des promeneurs anonymes. Et en même temps, il sentit tout au fond de lui-même comme un vague regret de sa liberté perdue. Oui, vraiment, cette joie mystérieuse l'attristait. Il avait beau se croire encore très amoureux de sa femme, certaines idées d'un plaisir autre que celui de tous les jours le hantaient. Allait-il donc bientôt en arriver à être fidèle par devoir ? Comme c'était curieux tout de même, la veille encore, il n'avait pas un désir pour les femmes qui passaient à côté de lui, le visage et la gorge découverts. Et voilà que ces mêmes femmes, cachées, masquées jusqu'aux yeux, le troublaient comme s'il avait déjà pour elles un tendre sentiment. Quand elles apparaissaient, vaguement moulées dans leur camail, avec leur petit museau blanc qui semblait l'ébauche d'un visage de statue, son imagination rapide les voyait tout entières, et plus belles 100 fois que la nature ne le comporte. Cela lui rappelait une impression quotidienne de ses années de collège, les subites et délicieuses visions qui se dressaient devant lui aux simples mots « jeune fille, femme » rencontrées dans sa lecture. La promenade lui parut triste. Il maudissait intérieurement ce carnaval qui était venu troubler la joie tranquille de son bonheur matrimonial. Ah, si la pauvre Paquette eût pu lire à ce moment dans son cœur comme elle eût été douloureusement surprise et comme se seraient arrêtées sur ses lèvres les exclamations de sa joie naïve. Ah, c'est qu'elle n'avait, elle, la bonne petite femme, ni désir ni regret coupable. Que lui faisaient tous ces jolis muguets qui lui soufflaient à l'oreille de rapides madrigaux ou qui la frôlaient au passage, amoureusement, avec la liberté dont on use entre masques? Elle ne s'amusait que de la drôlerie des personnages comiques qui fendaient par instants la foule, lançant leurs phrases familières au milieu des rires des promeneurs. Pauvre simplette, elle n'avait pas l'esprit assez grand pour y loger plusieurs amours. Celui qu'elle éprouvait pour Gilles était le premier et serait le dernier. Il avait pris possession de tout son être. Il en serait maître absolu, jusqu'à la mort, jusqu'au dernier soupir. Cette velléité que Gilles avait eue de secouer sa chaîne ne dura qu'un moment. Rentré chez lui, il n'y pensait plus et il retrouva le soir même la joie coutumière de reposer sa tête sur l'humble cœur qu'il sentait si bien à lui. Cependant, il évita désormais de se mêler à la mascarade. Peu de jours après, un accident arrivé à la mère Pulci vint attrister le ménage de la Riva Carbone. Gilles et Paquette, en rentrant un jour de leur promenade, trouvèrent la bonne femme inerte dans son fauteuil, les yeux pleins de sang. Elle voulut parler en voyant ses enfants, mais ce fut un cri rauque qui sortit de sa gorge. Ils essayèrent de la faire lever pour la conduire à son lit. Sa jambe et son bras gauche restèrent sans mouvement. Les médecins appelés ne purent que constater une attaque de paralysie. Ils lui parlèrent car elle entendait fort bien, d'un rétablissement probable et s'en allèrent sans avoir rien ordonné. Ce fut un grand chagrin pour Paquette. Elle aimait sa mère comme elle aimait son mari, du même amour dévoué, sincère et sans calcul. Et elle crut devoir sacrifier quelques-unes des heures qu'elle passait d'ordinaire avec Gilles pour tenir compagnie à la bonne femme et lui faire supporter la triste solitude où elle devait vivre désormais, privée de ses dévotions, de ses promenades et de ses emplettes du matin. Paquette la levait, l'habillait comme un enfant, prenait l'aide de Gilles pour la traîner jusqu'à son fauteuil et passait toute la matinée assise auprès d'elle à lui raconter les histoires du quartier ou les cancans de la coulisse. Quelquefois, les jours où elle ne sortait pas avec Gilles, elle restait encore une grande partie de la journée auprès de la malade, apprenant tout haut ses rôles du soir. Souvent, Gilles, en rentrant, la trouvait occupée à jouer la comédie devant sa mère, qui grimaçait un sourire d'approbation. Le soir, Paquette couchait sa vieille petite fille avant de partir pour le théâtre, et en rentrant, elle allait sur la pointe du pied dans la chambre de la paralytique, qui était voisine de celle du ménage, pour voir si elle dormait tranquille et si elle n'avait besoin de rien. Ces actes de piété filiale eurent un mauvais résultat. Gilles, se trouvant privé de sa femme, se remit à fréquenter un peu les camarades. Pulcinelle, justement, venait de se découvrir un nouveau vice. Il était joueur. Il fréquentait assidûment le Ridotto, et dans ce lieu de perdition officielle où 50 sénateurs tenaient l'enjeu contre quiconque, noble ou vilain masqué, il apportait sa chance de faux bossu ou sa mauvaise fortune de ponte insatiable, épuisant consciencieusement ses veines jusqu'à la déroute finale. Le docteur l'accompagnait toujours, ne jouait jamais, se faisait régaler en cas de gain, accablait son ami de reproches les jours de malchance. Gilles les accompagnait quelquefois et ne prenait pas part au jeu, car il avait peur des cartes. Mais ce furent les académies macaroniques qui l'attirèrent le plus souvent hors du logis. Il se trouvait à son aise dans ces petits casinos d'amis des lettres en belle humeur, où il passait facilement pour un homme de génie. Les applaudissements avaient développé en lui l'orgueil, une mauvaise herbe qui croît très vite dans l'âme des artistes, et la louange était devenue une nourriture quotidienne dont il n'aurait pu se passer. Il devint l'invité obligé de tous les soupers à l'auberge de la Lune, sans toutefois se mêler aux orgies joyeuses qui en étaient souvent la suite. Non, lorsque le terrain devenait dangereux pour sa vertu maritale, il prenait son chapeau et s'en allait, car il n'avait aucun goût pour la fréquentation des courtisanes. Fin de la section 116, Lupin Agnès, Obi 2024.